Un dimanche ne sachant que faire et cherchant quelque amusement. Un dimanche ne sachant que faire et cherchant quelque amusement. Sur mon chemin j'ai fait la rencontre de la meunière d'un moulin à vent. Sur mon chemin j'ai fait la rencontre de la meunière d'un moulin à vent. Voudrais-tu bien, mon aimable meunière, me laisser moudre dans ton moulin? Voudrais-tu bien, mon aimable meunière, me laisser moudre dans ton moulin? J'y moudrais bien toute la semaine, 5 à 6 fois le soir et matin. J'y moudrais bien toute la semaine, 5 à 6 fois le soir et matin. Ton papa, ta maman sans chandelle y ont fermé la porte au verrou. Ton papa, ta maman sans chandelle y ont fermé la porte au verrou. Mais mon moulin n'est pas si banal que tout le monde veut bien le dire. Mais mon moulin n'est pas si banal que tout le monde veut bien le dire. Allons-y donc, mon aimable meunière, allons-y donc à l'ombre du bois. Allons-y donc, mon aimable meunière, allons-y donc à l'ombre du bois. Je t'y ferai voir l'oiseau dans les airs jusqu'au bout du monde. Je t'y ferai voir l'oiseau dans les airs et en même temps la feuille à l'envers. Dès que la belle aperçut cet oiseau, elle se mit à rire. Dès que la belle aperçut cet oiseau, elle se mit à rire. Prête-le-moi, Constant, je t'en prie, que je le mette en cage. Prête-le-moi, Constant, je t'en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Au bout de 7 à 8 à 9 mois, l'oiseau fit ravage. Au bout de 7 à 8 à 9 mois, l'oiseau fit ravage. La cage s'est ouverte, l'oiseau est parti. Mon Dieu, quelle tapage! La cage s'est ouverte, l'oiseau est parti. Mon Dieu, quelle tapage au pays! Jeunes gens qui avaient des maîtresses, profitez de cette leçon. Vous jeunes gens qui avaient des maîtresses, profitez de cette leçon. C'est quand on croit avoir la farine, le blé